Cioè, oh, chiaso. Pas d'innocent, on a le goût du sang. Je connais ton destin, si t'es pas des nôtres, je redeviens gamin. Quand on est de sang, où la mort des uns fait le bonheur des autres, on t'a serré une main et t'as pris deux ans. Ouvrant la porte, il nous reste à manger. Je suis dans le feu de l'action, je suis dans le feu tout court. On revient toujours sur les lieux du danger. Tant que t'es pas, donne le go. Ramène mon sang l'écuyer. Pour tourner sur lui, lunettes aiguillées. Prêt pour appuyer, j'attendrai pas juillet. Un automatique pour tirer sous l'eau. Un frérot de ma clique pour faire le boulot. On soulève son cric, un magnum qui chiffre. Qui percute ton chiffre, qui sort du rouleau. Faisais sur les côtes, faisais sur les eaux. Je serai là avec Karim là-bas, là quand c'est le jour. Il fait le compte de tâche, on repasse le lendemain. 30 secondes, montre en main, on remonte le réseau. Un rendez-vous son, l'équipe qui s'impose. Un tireur pour la pose, un 6 gros fané. Un Audi Caron, un mort pour la cause. Vise dans un tas quand il y a c'est mon fané. Bandit saleté, bandit saleté, bandit saleté, bandit saleté, bandit saleté, bandit saleté, bandit saleté, bandit saleté, bandit saleté, bandit saleté, bandit saleté, bandit saleté, bandit saleté, bandit saleté, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, menu macaram sauce légout. On est bien d'accord, on n'est pas d'accord. Mais pour le produit qui vaut le beurre, on se les pousse. On lui prend ce qu'il a, après on le montra. Chacun sa villa, après on comptera. Trappe la guerre des gangs, trappe le flot des mers. On fait des showcases pour le prix d'un contrat. On passe le guichet, ouvre-toi ses armes. Tout le monde c'est des hommes, mais pas tous prennent des armes. Le malheur des armes, la chaleur des sommes. Le sous-sol résonne, le seum engraine les armes. On dégaine sous stress, on allume sous presse. On ramène l'espèce, un de son scooter. Il paraît qu'on pèse, qu'on dort mal à l'aise. Quand bouillave une obèse dans une mini Cooper. Ça parlera vite, ça parlera drôle. Ils nous aiment pas, on les prend sans alcool. Tu choisis ta vie, le cœur et les yeux. Tournez vers la mec, ou vers le pactole. Le froid, pardon, logo. Pas de mauvais sort, on a l'œil de Sauron. Sur l'ici la loi, je mange dans tous les plats. Frère dans tous les cas, je me casse si moron. Ou pas, bandit saleté, bandit saleté, bandit saleté, bandit saleté, bandit saleté, bandit saleté, bandit saleté, bandit saleté, bandit saleté.